forme bizarre dans la brume, le soleil apparaît. Ils dévoilent enfin leur costume au fond de la baie. Face à l'écume sauvage, objet d'un autre âge, sur la rive de l'île Vande, ils ont jailli de la lande. Pyramide de galets comme un art primaire, drôle de silhouette posée, les gardiens de la mer. Pour le plaisir des yeux, ils se dressent vers le ciel. C'est peut-être pour défier les dieux qu'ils sont éternels. Il reste un mystère bien enraciné dans la terre. Tels des sentinelles fières, ils surveillent la mer. Pyramide de galets comme un art primaire. Drôle de silhouette posée, les gardiens de la mer. Ils font face au vent mais ne s'inclinent pas. Ils résistent à tous les temps et restent postés là. Comme des chevaliers avant une bataille à gagner, telle la force tranquille, ils défendent leur île. Pyramide de galets comme un art primaire. Drôle de silhouette posée, les gardiens de la mer. Pyramide de galets comme un art primaire. Drôle de silhouette posée, les gardiens de la mer.